إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله جل وعلا أحبتي في الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودوني عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت إني قد بلغ بي من الوجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه قال العلماء في شرح هذا الحديث العادة التي اعتادها الإنسان في الحياة تتحول بالنية الصالحة إلى عبادة يؤجر عليها الإنسان فينبغي للعاقل أن يصحح نيته دوما وأن لا يتحرك حركة إلا ويبتغي بها وجه الله جل وعلا وفي هذا الحديث يحكي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاره عام حجة الوداع سنة عشر من الهجرة من وجع كان به قارب بسببه على الموت وكان موضع مرضه بمكة وكان سعد رضي الله تعالى عنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها وذكر سعد رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صاحب مال ولا يرثه سوى ابنة واحدة وكان اسمها عائشة ومعنى ذلك أنه لا يرثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء وإلا فقد كان لسعد عصابات لأنه من بني زهرة وكان كثيرا وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض أو خصها بالذكر على التقدير لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي أو ظن أنها ترث جميع المال أو استكثر لها نصف التركة فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق بثلث ماله فأجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يفعل ذلك فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق بنصف ماله فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا ووجهه صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بالثلث وأخبره أنه كثير أيضا ترغيبا منه صلى الله عليه وسلم لسعد أن يقلل عن الثلث ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل له أن يترك ورثته أغنياء، فيكون هذا المال سببا في إغناء الورثة، فهو خير من أن يتركهم فقراء يتكففون الناس في أيديهم، أي يسألونهم بأكفهم بأن يبسطوها للسؤال، أو يسألون ما يكف عنهم، أو يسألون ما يكف عنهم. وأخبره صلى الله عليه وسلم إن عاش فما أنفقه من نفقة ابتغاء وجه الله وابتغاء وجه الله فإنها صدقة، فالأجر حاصل له حيا وميتا، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. وهذا مبالغة في بيان أوجه الإنفاق التي يثاب ويؤجر عليها الإنسان، وأنها ليست قاصرة على المال، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة. وإذا ثبت الأجر في هذا ففيما يراد به وجه الله فقد أحرى. فسأل سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وخلف بعض أصحابي بمكة أو في الدنيا؟ فأجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تخلف، يعني لن تبقى، فتعمل عملا صالحا تطلب به وجه الله عز وجل، إلا ازددت بالعمل الصالح درجة ورفعة، ولعلك تخلف بأن يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام من المسلمين بما يفتحه الله عز وجل على يديك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chaque croyant, chaque croyante, Allah nous dit dans un verset, une traduction relative du sens du verset, il dit au prophète en salam, dit, au messager d'Allah, dit, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا, rien ne vous atteindra, si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a écrit. Et les ulama, dans l'exégèse de ce verset, disent, فِي لَوْحِ الْمَحْفُوذِ, tout ce qui est فِي لَوْحِ الْمَحْفُوذِ se produira, c'est-à-dire que rien ne se produira, rien ne t'atteindra, rien ne te touchera comme épreuve ou autre chose, comme malheur ou calamité, si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a prescrit et a décrété et prédestiné. Et dans un hadith qui est rapporté dans l'Authentique de l'imam al-Bukhari, d'après le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, il rapporte ce grand compagnon qui fait partie des 10 annoncés au paradis. Il dit: un jour, au cours du pèlerinage d'adieu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à mon chevet lors d'une maladie qui faillit me tuer. J'ai dit au messager d'Allah: ma maladie a atteint le stade que tu vois. Je suis fortuné et je n'ai qu'une seule fille pour héritière. Puis-je donner les 2/3 de mes biens en aumône? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: non. Alors Saad lui dit: puis-je alors en donner la moitié? Demandai-je. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: non. Il poursuivit en disant: et le tiers? Et encore? Le tiers, c'est beaucoup. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa le tiers, mais lui dit: mais cela est beaucoup. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, comme Sa'd ibn Abi Waqqas nous informe, que tu laisses tes héritiers riches et préférable que tu les laisses pauvres, demandant la charité aux gens. Il n'y a aucune dépense que tu effectueras en recherchant l'agrément d'Allah, sans que tu n'en sois récompensé, ne serait-ce la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse. Je demandais alors, dit Sa'd, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, ferais-je défaut à mes compagnons après leur retour à Médine? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il répondit: tu ne survivras point sans que, pour toute œuvre que tu auras accomplie en recherchant l'agrément d'Allah, tu ne sois élevé en degré et en dignité. Et il se peut aussi que tu survives afin que ta présence profite à certains et qu'elle nuise à d'autres. Ô Allah, ensuite il invoqua en disant, ô Allah, parachève l'émigration de mes compagnons et ne les ramène pas en arrière. En effet, certes, le malheureux Ibn Sa'd ibn Khawla. Ibn Sa'd ibn Khawla, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, fut peiné et attristé pour Sa'd qu'elle décéda à la Mecque. Sa'd ibn Khawla. Avant de terminer, parmi les enseignements à tirer de ce long récit, de cette discussion entre ce compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a de nombreux enseignements à tirer. Donc à travers ces minutes bien comptées, on ne pourra pas tirer tous les enseignements bénéfiques et profitables de ce hadith. Mais il y a une leçon à retirer, c'est que Sa'd ibn Abi Waqqas nous informe alors qu'il était malade. Et c'était une maladie qui était sévère. Et il craignait pour lui la faim, la mort. Et donc, il s'adressa, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite, se rendit à son chevet. Et là, les savants déduisent de cela les nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était le guide, alors qu'il était l'imam. Regardez, il rendait visite, il se rendait au chevet de ses compagnons pour leur rendre visite et pour leur procurer du bien et des bienfaits. Et là donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui craignait justement la faim, et il nous informe que cela s'est produit après Hajjat al-Wada, après le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors là, Sa'd, lorsqu'il vit que peut-être c'était la faim, alors il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait qu'une héritière, il n'avait qu'une héritière, comme il est mentionné dans le récit, et les savants ont expliqué, ont émis des hypothèses sur le sens de cela, le fait qu'il avait qu'une héritière, mais est-ce qu'ils font comprendre, alors ils demandent au prophète, est-ce qu'il pouvait donner de ses biens, le deux tiers de ses biens, jusque le prophète sallam lui interdit cela jusqu'à ce qu'il arrivât au tiers, et le prophète sallam autorisa la donation du tiers, mais il dit, eh bien cela est beaucoup. Et le prophète l'exhorta ne pas laisser sa descendance, comme cela plus tard, à demander la charité aux autres. C'est pour ça que les savants, parmi les enseignements de ce récit aussi, nous enseignent que le fait qu'une personne laisse des choses à sa descendance plus tard, à ses héritiers, cela fait partie des bienfaits. Cela fait partie des bienfaits dont il sera récompensé pour cela, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dévaloriser ou bien minimiser. Parmi les enseignements du récit aussi, c'est que Sa'd, qui craignait pour sa vie, et pour cela j'ai évoqué le verset précédent, dans le début du sermon, lorsqu'Allah Jalla wa'ala nous dit « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا » dit, et Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète, dit aux gens que rien ne vous atteindra si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa'ala a décrété. Et là, Sa'd, alors qu'il était malade, d'une maladie sévère, et il craignait pour lui la faim, il était très malade, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rend visite. Sachez que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé dans ce récit qu'il a invoqué pour lui. Et sachez qu'en réalité, Sa'd, qui craignait la faim, a vécu encore longtemps. Et après ce récit, il est dit qu'il a vécu plus d'une quarantaine d'années encore il a vécu. Et il est mentionné, si vous regardez dans sa biographie, il est mentionné qu'il a eu beaucoup d'enfants et beaucoup d'héritiers. Alors là qu'il est mentionné dans le récit qu'il a eu une fille. Et là, si vous regardez dans sa vie, il est mort après les années 40 de l'Hégire. Il est mort plus de 45, à peu près 45 ans, plus de 40 ans après ce récit-là. Parfois on pense des choses, parfois on pense qu'on va être atteint par quelque chose, par un malheur ou une calamité, mais rien ne vous atteindra si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa'ala a décrété. Et lui, Sa'd, a vécu longtemps après ce récit. Malgré cette maladie, il a vécu longtemps après ce récit. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a été profitable pour beaucoup de gens. Et il a laissé beaucoup de biens plus tard à sa descendance. Lisez dans la biographie de ces nobles compagnons, et c'était juste un bref et concis rappel pour dire, nous sommes exposés à de nombreux dangers aujourd'hui, à cette époque. Les dangers liés à la sécurité, les dangers liés à la santé, mais il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal, et rien ne nous atteindra si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a décrété. Et cela, c'est pour se remonter le moral. Alors que beaucoup de gens tombent dans la tristesse, les soucis, l'anxiété, les dépressions, lorsqu'on entend des récits, lorsqu'on entend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ces récits-là, ou bien des versets où Allah jalla wa ala nous réconforte en nous disant que rien ne vous atteindra, si ce n'est qu'une chose qu'Allah jalla wa ala a décrété, alors soyez heureux, réceptionnez ces bonnes nouvelles. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي بناتنا اللهم اهدي بناتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم